Don Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 6 mars 2017, c'est la grande édition de la mi-journée. En voici les grands titres. Deux bandits ont été attrapés à la tombée de la soirée de ce dimanche dans les eaux du lac Tanganyika par des éléments de la marine burundaise positionnés à Karonda. Et le gouvernement du Burundi confirme sa participation à la prochaine session ordinaire du Conseil des droits de l'homme prévue le 13 mars prochain à Genève. Le ministre Martin Ivzavandi dit que celui qui sera là présentera une situation différente de celle que dressent certains experts dans leur rapport. Et des enseignants vacataires réclament leurs honoraires pour des prestations datant de 2014, alors que ceux qui ont travaillé l'année suivante sont en train d'être payés. En actualité sportive, le Burundi a été classé en première place avec 18 médailles, dont 6 en or, au 11e championnat de judo de la communauté est-africaine qui s'est clôturé ce dimanche au Zanzibar. Et à l'étranger, le gouvernement sud-africain envisage de mettre en place un système de réglementation des médias sociaux. L'Afrique du Sud table depuis 2 ans sur un projet de loi sur le cybercrime et la cybersécurité destiné à pénaliser les infractions sur Internet. Il sera soumis prochainement au Parlement. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. Deux hommes, l'un originaire de Makeboko en province Gitega et l'autre de Karonda en province Rumonge, sont dans la main de la police judiciaire de Rumonge depuis ce lundi matin. La marine burundaise positionnée à Karonda les a attrapés vers 19h30 ce dimanche dans les eaux du lac Tanganyika au niveau de Karonda, après avoir été alertés par les pêcheurs burundais qui les soupçonnaient d'être des bandits. Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons burundi, fait savoir que l'un de ces deux hommes avait été déjà attrapé dans le vol dans les eaux du lac Tanganyika et encourage les pêcheurs à alerter le plus rapidement possible pour tenter d'éradiquer ce genre de banditisme. Une pluie torrentielle a frappé ce dimanche la commune de Nyabikere en province de Karoussi avec de lourds dégâts. 14 classes, 3 directions scolaires ainsi qu'une cinquantaine de maisons de particuliers détruites. Même les cultures se trouvant sur les collines où sont implantées ces écoles ont été emportées par l'érosion. Les précisions de notre correspondant Blaise Pascal Kararoumié. Les 14 salles de classe détruites et les tatiles emportées par les vents violents sont de 3 directions scolaires qui sont le lycée communal de Maranzia, l'école fondamentale de Maranzia 1 et l'école fondamentale de Maranzia 2. Et les blocs de ces directions ont été aussi détruits dans cette commune de Nyabikere de la province Karoussi. Les enfants, les parents, les professeurs, les directeurs et l'administrateur communal étaient tous à ces écoles le matin de ce lundi. L'administrateur communal, Léonidas Nakoum Diango, signale aussi la destruction de 3 églises, l'une de l'église catholique, l'autre de l'église pentecôte et une mosquée de l'islam qui sont au centre de négoce de Maranzia. 51 maisons des habitants des collines Maranzia et Mbabazi ont été aussi détruites par ces pluies torrentielles avec des vents violents et même plusieurs champs de culture de ces collines ont été aussi détruits. L'administrateur communal Léonidas Nakoum Diango lance un appel pressant à toute âme charitable, plus particulièrement au gouvernement, pour que cette population en détresse soit urgentement assistée pour avoir des tôles. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour Radio Isanganiro. De Karoussi, rendons-nous à Muyinga où la pénurie de carburant est signalée aux stations-service du chef-lieu de cette province. Conséquence, les prix des biens et services ont du coup augmenté. Les consommateurs, eux, attendent la normalisation de la situation. Dieudonné Nzeimana pour plus de détails. Lundi avant-midi, les 4 stations de vente des produits tels l'essence ou le mazout au chef-lieu de la province Muyinga n'offraient pas le carburant. Les conducteurs de motos et voitures indiquent que la pénurie est signalée depuis 3 jours. Les approvisionnements se font au marché noir où le litre varie entre 3 000 et 4 000 francs burundais. En conséquence, les prix des biens ou services sont revus à la hausse. À titre illustratif, un tour de camion d'Ibène pour le sable s'évalue aujourd'hui à 85 000 francs alors que d'habitude c'était 80 000. Pour le ticket de voyage Muyinga-Ngozi, en temps normal c'est 5 000 francs burundais, mais suite à cette pénurie, c'est 6 000 francs. Certains transporteurs affirment avoir revu à la hausse les prix pour ne pas travailler à perte et révèlent que certains véhicules vont s'approvisionner sur des stations proches dans le pays voisin, la Tanzanie. Mais là encore, les prix restent élevés au regard du taux de change. Les prix à litre d'essence, les 4 stations de vente des produits, c'est autour de 2014, telle l'essence ou le mazout. Vous voudrez bien nous excuser pour ces problèmes techniques. Grogne chez les enseignants, vacataires ayant presté en commune Rotovo au cours de l'année scolaire 2013-2014. Thierry Kaboura, un de ses enseignants qui travaillait à l'école fondamentale Kivubo 1, fait savoir qu'ils n'ont pas encore perçu leurs honoraires au moment où ceux de l'année 2014-2015 sont en train d'être payés. Suivez-le. Lundi avant-midi, les quatre stations de vente des produits tels l'essence ou le mazout au chef-lieu de la province Muyinga n'offraient pas le carburant. Les conducteurs de moto. Je vous le disais, c'est la grogne chez les enseignants vacataires ayant presté en commune Rutovu au cours de l'année scolaire 2013-2014. Thierry Kaboura, un de ses enseignants qui travaillait à l'école fondamentale Kivubo 1, fait savoir qu'ils n'ont pas encore perçu leurs honoraires au moment où ceux de l'année 2014-2015 sont en train d'être payés. Suivez-le. Notre problème est que les frais de vacataria ne sont pas encore arrivés, alors que ceux qui ont travaillé l'année scolaire suivante ont déjà eu quelques frais de vacataria. Et quelle a été la réponse qui vous a été donnée au niveau de la direction provinciale de l'enseignement ou de la direction communale de l'enseignement? La direction de l'enseignement nous a donné comme réponse qu'il y a des erreurs en rapport avec le nombre d'heures de chaque cours ainsi que de chaque professeur et qu'on est en train de rectifier les erreurs commises. Mais jusqu'à maintenant, cette question dépasse notre entendement. Pourquoi aujourd'hui vous réclamez aujourd'hui de l'argent alors qu'on vous a dit que le problème est en train d'être corrigé? Aujourd'hui, nous voulons porter à la connaissance de toutes les personnes concernées par cette question que nous avons des ambiguïtés en rapport avec l'octroi des frais de vacataria de l'année scolaire 2014-2015 alors que les frais de vacataria de l'année précédente n'ont pas été octroyés en totalité. Voilà, c'est un de ces enseignants contactés à ce sujet. Le directeur communal de l'enseignement en commune Rutovu dit être au courant de la situation et a promis de s'exprimer dans nos prochaines éditions. L'avenue de la jeunesse située entre le quartier Jabé et le quartier Brisa est défectueuse du côté du coin de vente appelé Motoyi. Un trou d'un mètre de profondeur et de largeur est remarquable, couvert de troncs d'arbres. Les habitants de ce quartier demandent que la route soit réhabilitée. La régie des eaux et les services techniques municipaux s'est ému, se rejettent la responsabilité. Mireille Cagnac. Cette avenue défectueuse divise le quartier Jabé et Bouiza du côté de l'entreprise Mutoyi, près d'une céramique et non loin de l'église des Adventistes du 7e jour. À cet endroit se remarque un trou de près d'un mètre de profondeur et de largeur. En aval et en amont de ce trou qui n'est couvert que de tiges d'arbres, la route s'est affaissée sur une longueur d'au moins 5 mètres. Un des habitants des environs nous parle de l'origine de ce problème. Il y a quelques mois que c'était l'autre avenue de la jeunesse que vous voyez qu'il y a une panne de tuyaux de la régie des eaux qui ont été endommagés. Vous voyez qu'il y a des trous là. Après avoir remarqué que même toute la route peut endommager, la régie des eaux a intervenu pour réparer ce tuyau. On a déplacé les tuyaux, mais malheureusement, on a laissé les trous sans réparer la route à l'intérieur de la route. Donc, nous demandons à la régie des eaux de réparer cette route parce que l'origine de cet état a été causée par les travaux de la régie des eaux. À la régie de distribution de l'eau et de l'électricité régie des eaux, le directeur de l'eau nous a indiqué que le devis a déjà été payé pour que les CTMU puissent commencer les travaux de réhabilitation de cette avenue. De son côté, le directeur général des CTMU a fait savoir que ce devis n'a pas encore été analysé par la régie des eaux, qu'il faut donc que la régie des eaux honore ses engagements. La radio de l'avenir. Le Burundi sera bel et bien représenté à la prochaine session ordinaire du Conseil des droits de l'homme qui se tiendra ce 13 mars à Genève. Le ministre des droits de l'homme indique que le gouvernement n'a pas besoin d'une invitation spéciale puisqu'il est membre permanent de ce conseil. Martin Livyabandi précise que celui qui va représenter le Burundi va présenter la situation des droits de l'homme telle qu'elle est et qui est différente de celle décrite par certains experts dans leur rapport. Suivez. La session de mars est une session ordinaire. Ce qui a inquiété un peu donc l'opinion, c'est un peu qui est inscrit à l'ordre du jour. Une commission d'experts va présenter un rapport. Nous disons que la mise en place de cette commission a été émaillé de beaucoup d'incompréhensions, où le principe de collaboration n'a pas été respecté, avons-nous dit. La question des droits de l'homme est une responsabilité du gouvernement. Nous allons continuer à protéger autant que faire se peut les droits de l'homme, mais nous ne sommes pas impliqués dans le travail qui sera fait par la commission d'enquête. De deux, nous avons informé que le Conseil des droits de l'homme doit se défaire des considérations d'ordre politique. Les rapports qui avaient été produits par une commission d'enquête avaient un penchant politique. C'est là où nous voudrions faire un clin d'œil quand on confectionne des rapports, qu'il faut les dépassionner. Quand vous commencez à parler d'un probable quatrième mandat pour le président de la République, dans ce cas, vous allez mélanger les domaines. Pourquoi est-ce que les rapports qui sortent sont toujours qualifiés de mensongers ou... Est-ce qu'à l'origine de cela, s'agit-il d'une mauvaise collaboration avec ces experts ou bien en faisant ces rapports, ces experts ne consultent pas le gouvernement? Loin d'une mauvaise collaboration entre le gouvernement et les Nations Unies. Nous disons, ceux qui sont recrutés par les Nations Unies pour mener un travail ne le font pas de façon professionnelle. Nous disons, nous l'avons toujours dit, quand vous devez faire un travail, confectionner un rapport, ce qui est important, c'est d'écouter toutes les parties prenantes et collecter les avis et considérations, les observations des uns des autres. Et lorsque ces experts donnent autant de personnes disparues, autant de personnes torturées, autant de personnes qui ont fui le pays ces derniers jours, d'où est-ce qu'ils tirent ces effectifs? C'est là où vous pouvez poser des questions, monsieur le journaliste. Quelquefois, quand ils ne sont pas ici pour nous demander, nous avons notre système de collecte d'informations. Nous avons la CNDH. Nous avons toute une panoplie d'associations ici. Quelquefois, vous vous posez la question de savoir d'où ils ont tiré ces données. On se pose la question et nous voudrions vous renvoyer cette question pour que vous puissiez les poser la question, puisque quand ils ne viennent pas, ne collaborent pas, ils ne demandent pas notre avis, ça devient extrêmement compliqué de donner une réponse sur ce sujet. Martin Nivzavandi, c'est le ministre en charge des droits de l'homme. Il répondait au téléphone de Oban Niyonguru. Environ 220 élèves du lycée Bouanza sont descendus dans les rues ce lundi matin. Ils s'insurgent contre la mesure prise au cours d'un conseil de discipline de la même école de renvoyer définitivement deux élèves, dont le doyen de l'école. Ces élèves ont été sanctionnés après s'être bagarrés dans les enceintes de l'établissement, ce que ne tolère pas le règlement scolaire en vigueur. Spes Caritas Cavagnana. Ce lundi, vers 6h du matin, ces élèves, environ 200, avaient déjà quitté les dortoirs et s'étaient rassemblés sur une cour externe de l'école. C'est par après qu'ils ont quitté cet endroit vers la colline de Luvumbu, mais ils ont été vite interceptés par les policiers qui les ont obligés de retourner à l'école. Entre-temps, les autres, environ 700, étaient en classe, mais les activités ont été par après paralysées. Ceux qui étaient en classe ont été obligés de rejoindre leurs camarades dans la cour intérieure de l'école. Même si le directeur du lycée Bouanza n'a pas voulu donner son point de vue, certains de ces élèves nous ont révélé qu'ils s'insurgent contre la mesure prise lors d'un conseil de discipline tenu la semaine passée de renvoyer définitivement deux élèves, dont le doyen de l'école. Ils réclament que le doyen retourne à l'école au moment où le conseil de discipline l'a sanctionné conformément au règlement scolaire en vigueur. Dans la cour intérieure de l'école, tous les élèves attendent ce qui va ressortir d'une réunion entre les responsables scolaires, les autorités administratives et les forces de l'ordre. C'est ce qu'a dit Radio Isanganiro. Sport maintenant. La formation Atlético Olympique a perdu sa première place qu'elle occupait depuis le début du championnat national en première division. Après sa défaite à la 22e journée contre les Lierres, son club a chuté de deux places et s'est retrouvé en troisième position. Et le 11e championnat de judo de la communauté est-africaine qui s'est clôturé ce dimanche au Zanzibar a classé le Burundi en première place avec 18 médailles, dont 6 en or. L'actualité sportive avec Evariste Nzikobanyanga. Vendredi, au stade Prince Louis Gwangasore, Rusizi FC de Chibitoke s'est imposé 3-1 contre l'équipe militaire Muzinga. Samedi, sur la même pelouse, à 14h, les Lierres ont battu Atlético Olympique 1-0. Et à 16h, Lydia Lidic et Burundi Sport for Africa a largement dominé Olympique Star de Muyinga. Le score a été de 3-0 en faveur de Lydia Lidic et Burundi Sport for Africa. Sur le stade Peace Park Stadium de Makamba, Aigle Noir et Messager Bujumbura ont fait match nul 0 but partout. Arigi Vitalo est allé battre à domicile les Flambeaux de l'Est 1 but à 0. Sur le stade Rukundo, Dongozi, Messager Ngozi a égalisé avec Magara Star 1 but partout. Ce dimanche à 14h, Ngozi City a battu Buja City 1 but à 0. À 16h, Interstar a égalisé 1 but partout avec Musongati de Gitega. La formation Atletico Olympique qui occupait la première place depuis le début du championnat l'a perdue à la 22e journée. Mohsin Mopenda, directeur technique à la Fédération de football du Burundi, fait un clin d'œil aux responsables de cette équipe. Pour l'équipe athlétique, on pourra dire que c'est peut-être l'extrême confiance qu'affichent les joueurs parce qu'ils sont bien, ils sont bien entraînés, ils sont bien organisés. Voir comment ils perdent le match, on ne sait pas comprendre plus facilement. Et moi, je peux dire qu'il faut un entretien entre les joueurs et le staff. Du moins aussi, il faut ajouter le comité exécutif. Puisque en voyant l'équipe, on ne peut pas dire que c'est une équipe qui peut perdre facilement le match. Mais les résultats, c'est comme ça. Le match, il n'y a pas de photocopie, il n'y a pas à négliger. Tous les matchs sont à considérer. Mais c'est un peu malheureux pour l'équipe athlétique qui vient de perdre sa place. La formation de l'idéalidique Burundi Sport for Africa est en première position avec 48 points et 18 points. But en poche, Vitalo est deuxième avec 46 points et 29 buts. Atletico Olympique est troisième avec 46 points, 27 buts en poche. Aigle Noir est quatrième avec 38 points et 18 buts. Messager Ngozi est cinquième avec 37 points et 10 buts. Flambeau de l'Est est dernière du championnat avec 12 points et une dette de 16 buts. C'est ce dimanche qu'a été clôturé le 11e championnat de judo de l'East Africa à Zanzibar. Le Burundi a terminé en tête avec 18 médailles, dont 6 en or. Le Kenya a été deuxième avec le même effectif de médailles, dont 5 en or. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. À l'actualité internationale, au Mali, 11 soldats ont été tués dans une attaque près de la frontière avec le Burkina Faso. En Afrique du Sud, le gouvernement veut encadrer les réseaux sociaux et en Afrique de l'Est, la crise alimentaire progresse dangereusement. Ali Dandaïkeza. En Afrique de l'Est, 12 millions de personnes sont concernées par la crise alimentaire qui sévit principalement en Somalie, le Sud-Soudan, l'Éthiopie, l'Ouganda et les autres pays. Comme on peut le lire sur RFI Afrique, les facteurs climatiques sont cités comme principale cause par les organisations non gouvernementales. Pour le secrétaire général de l'ONU, c'est une tragédie et pour éviter qu'elle devienne une catastrophe, il faut mobiliser plus de 4 milliards de dollars. Pour le programme alimentaire mondial, le plus difficile dans cette crise est le nombre de personnes à soutenir. Au Mali, 11 militaires ont été tués et 5 blessés dimanche matin au cours d'une attaque contre la base militaire de Bourikessi près de la frontière avec le Burkina Faso. L'annonce a été faite par le ministre malien de la Défense. BBC Afrique écrit que l'attaque n'a pas été revendiquée, mais les regards sont tournés vers les groupes djihadistes actifs dans le nord du Mali et qui mènent régulièrement des attaques dans cette région du centre du pays. Par ailleurs, des tirs nourris ont été entendus à Tombouctou, dans le nord du pays, ce dimanche en début de soirée. En Afrique du Sud, le gouvernement semble à son tour vouloir lutter contre les fake news, ces informations fausses ou supposément fausses diffusées sur les réseaux sociaux. Comme cela est écrit sur le site de la RFI Afrique, le ministre de la Sécurité publique sud-africain a révélé que le gouvernement travaille sur une loi de régulation des médias sociaux et même d'Internet, en cause la circulation de rumeurs ou d'escroqueries en ligne. Cependant, la proposition de régulation du gouvernement n'a jamais été débattue publiquement. Le ministre de la Sécurité publique a d'ailleurs admis que ce projet risquait de soulever des protestations parmi les organisations de défense des droits de l'homme, mais ne semble pas s'en formaliser. Merci Alida Ndaïkeza. Merci à vous tous qui avez suivi ce journal. Il est 13h15 à Bujumbura. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.